Bonjour Hachi, belle journée, n'est-ce pas? Bonjour professeur Dambanawa, que me vaut un tel honneur de mon matin? En tant qu'élève préféré de moi, je te confie une mission de la plus haute importance. Et ça y est, ça commence. Vous allez m'en dire plus ou alors je dois chercher comme un grand? Voici ton ordre de mission. Il contient également un code à déchiffrer. Bonne chance! Youhou! Béatrice, c'est incroyable! Salut Hachi! Alors, on fait quoi aujourd'hui? Théoriquement, on est censé aller en cours, mais là, Dumbi m'a donné un truc à faire. Cool, fais voir ça! Mission de type A. Vous devez trouver un objet très important quelque part dans ce vaste monde. Code à déchiffrer, deux points ouvrir les guillemets. Dans cette affaire, il n'y a qu'une seule vérité. Ah, je sais ce que c'est. Sérieux? Ouais, ça s'appelle un filler. Un filler? Un hors-série, quoi. C'est quand les personnages principaux, ils font face à des épreuves qui ont rien à voir avec la trame principale et partent dans des lieux inconnus pour résoudre un mystère. Chouette, ça m'a l'air trop génial. Ouais, mais ça veut dire aussi qu'on peut faire n'importe quoi dans cet épisode, ça n'aura absolument aucune conséquence pour la suite. Regarde ce grippin. Si j'essaie de mettre la main dedans, il va forcément se passer quelque chose qui va m'empêcher de me faire mal. Ça m'a pas l'air très haut pour un bon truc. Si, c'est à point. Bon ben c'est parti alors, où est-ce qu'on va? Salut les amis! Tiens, voilà l'autre, on est obligé de se la taper. Personnage principal oblige, faut une gourde au moins dans le lot, sinon ça marche pas. D'ailleurs il nous faudra aussi un petit animal mignon. Bon mais en tout cas elle pourra au moins nous servir. Allez, déchiffre ça, Mitton. Chouette, une énigme! Alors, oui je sais, cette phrase vient du manga Détective Conan, où le meurtrier finit toujours en prison. Donc, il faut aller à la prison d'Impel Dawn. Ouais, bon ben, let's go. Comment on y va? En courant d'arbre en arbre avec les bras en arrière. Bonne idée, Wan. Mais la prison se trouve en plein milieu de l'océan Indien. Je propose d'emprunter le yacht de Harid. Et ne vous inquiétez pas, je sais tout sur la navigation. Mon grand-père m'a appris deux choses avant de mourir. Ça et le Kung Fu. Je me suis fait tatouer la carte du monde dans le dos, au cas où je me perdrais un jour. D'ailleurs, vous savez ce qui est fascinant avec les phares, c'est que... Pas moi? Est-ce que je veux... pas venir avec vous, s'il vous plaît? Non! Non, mais maître, ne me torturez pas, pas. Non. Nous y voilà, la prison d'Impel Dawn. C'est ici qu'ils gardent les otaku qui ont mal tourné. Ça fait flipper. Regardez ça, il y a des gardes à l'entrée. Vaut mieux qu'on trouve une stratégie pour entrer en douce. Salut les gars, vous nous faites entrer? Moi c'est Hachipawa. Quoi, le vrai? Mais quoi? Ah ouais, regarde la cicatrice! Eh, je vous en prie, entrez, monsieur dame, mais on peut avoir des autographes? Mais bien sûr! Bon, nous sommes entrés sans encombre. On va où maintenant, Mitton? Selon mon raisonnement, il faut trouver la cellule du méchant le plus méchant! Il nous donnera un indice pour la suite. Ouais, c'est logique. Mais on va où? Impel Dawn étant une prison sous-marine, il faut aller au dernier sous-sol. Par ici, s'il vous plaît. Prenez garde à la fermeture des portes. Je me nomme Ibiki. J'assurerai votre sécurité. Tiens, j'ai lu un manga dernièrement. La nana, elle montait dans l'ascenseur et elle tend la main à son ami. Et là, la porte, elle se ferme et paf! Le jour se lève? Non, il y avait une bombe dans l'ascenseur. Et le mec se retrouve juste avec le bras de sa copine. Mais c'est dégueulasse! Alors là, c'est le niveau des tortures en tout genre. Brûlures, écartèlements, arrachage d'ongles, etc, etc. Charmant. Ici, on les marque au fer rouge avec les inscriptions, ça dit du genre LOL, MDR. Ça fait toujours son petit effet. Terrifiant. À ce niveau, on pratique la torture cérébrale. On fait visionner des heures de Pokémon, Digimon, voire même des films de Naruto. Mais là, c'est vraiment pour les plus dangereux. Alarmant. Et voilà le dernier sous-sol. Faites attention, il y a des planètes par ici. Non, j'ai beau réfléchir, je trouve plus de rime en. Allez, Mitton, passe d'abord. Bouh! J'étais sûr que ça marcherait. Oh, méchant! Salaud! J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre. C'est moi, ton parrain, Sirius Blackjack. Viens me délivrer. Désolé, pas avant 2 ans. Mais je t'enverrai une carte postale de temps à autre. Ah, la voilà. C'est elle la plus méchante. Une nana? Quelle intrigue incroyable, je l'avais pas vu venir. Qui êtes-vous et que voulez-vous? C'est vous qui êtes venu, je vous signale. Oh, mais c'est le petit bébé pas. Assez de ton venin, t'as intérêt à te mettre à table. Mon nom est Bella Swan. Ah ouais, comme dans... Non. Pas comme dans le... Comment il va, Cédric Diggory de la Pattison? Ah, toi alors, aucun. Dès que je sors d'ici, je récupère mon Death Note. Et je te jure, tu crèveras d'une façon extrêmement horrible. C'est ça, Hachi. Doomba Dawa veut qu'on s'empare du Death Note et qu'on le détruise. Attends, tu veux dire que cet épisode a vraiment un scénario? Super, allons-y. Bah où ça? À l'Académie des Otaku Bazara. C'est une autre école d'études sur la culture nippone. J'ai lu dans un livre que la directrice s'est fait voler le cahier de la mort qu'elle était censée détruire. Super, allons-y. Nous voici devant l'Académie Bazara. Ce château ressemble étrangement à Versailles. Chouette, y'a que des nanas ici. Oh là là, regarde les décolletés, c'est un truc de malade. Pour ne rien gâcher, le vent soulève les jupes. Je crois que je vais pas résister longtemps. Oh non, revoilà l'autre imbécile de Nao. Ne t'inquiète pas, Hachi. Ya, technique de grand-papa. Je donne pétage cervical. Et maintenant, coup de boule balayette. C'est bon, Mitton, il a eu son compte. Tiens, voici une élève qui arrive alors qu'étrangement des pétales de fleurs de cerisier s'envolent dans tous les sens alors qu'on est même pas au Japon. Bonjour, moi c'est Sakura chez CSDK. Salut, petite. Où pourrait-on trouver la responsable de cet établissement? T'es aussi jeune que moi, pauvre tâche. C'est vrai, des fois j'oublie qu'on a que 11 ans. Elle est sûrement au casino, mais elle va pas tarder à rentrer. En attendant, je peux vous emmener à Mademoiselle Fleur du Bambou, c'est elle qui s'occupe du pensionnat. Et cela va sans dire, c'est la plus belle de toute l'académie. Normal, c'est un passage obligé, l'arrivée de nouveaux personnages pour relancer l'intrigue et bla bla bla. Ouais, bonjour, une jolie fille. Bonjour, vous êtes nouvelle? Alors, le dortoir des premières et deuxième années est commun. La répartition se fait en début de troisième année. Ensuite, les plus intellos vont dans la maison Haruka, dans cette tour au-dessus de l'eau. Les plus belles dans la maison Naru, à l'intérieur du château. Les plus forts dans la maison Motoko, dans l'aile nord. Et les plus nuls dans la maison Keitaro. Je pense que c'est dans la forêt. Mais après dire, je n'y suis jamais allée. Mais... Oh mon Dieu! Boudin! Vous êtes des mâles! Ouais. Fort et intelligent. Et surtout parce que ma célébrité m'ouvre toutes les portes. Nous venons de Jobar et nous souhaitons nous entretenir avec votre directrice, mademoiselle. Ah, vous êtes des invités? Oh, mais fallait le dire de suite, voyons. Techniquement, c'est pas vraiment... La voici, justement. Bonjour, Godaime. Le filon a-t-il été fructifiant? Pas spécialement, mais finalement pas un radis. Pire, ils m'ont piqué 600 000 yens. Faut dire qu'ils sont doués au jeu du hasard. Mais cette plumée? Et ce fric? C'était celui de notre panne de promo. Bon, on verra ça plus tard. Tsunade-sama, voici des messagers du professeur Dunbanawa. De Binouné, comment va ce barbichet? Bah écoutez, plutôt pas mal, mais il va bientôt partir à la retraite apparemment. Faut dire qu'il se fait presque aussi vieux que moi. Pourtant, vous m'avez l'air encore bien jeune. Vous voulez connaître le secret de ma jeunesse? En fait, c'est les bains chauds de l'académie, ça raffermit la peau et ça lui rend toute sa jeunesse. À condition d'en prendre au moins deux par jour pendant 20 ans. Si je comprends bien, c'est donc impossible pour un élève. Madame la directrice, nous avons besoin d'informations sur le Death Note. Est-ce qu'il est toujours en votre possession? Ce bidule qui tue les gens? Il y a déjà un moment que je m'en suis débarrassée. J'ai refilé à ce bon vieux Destinova. C'est le directeur de l'Institut d'Otaku Berserk qui se trouve en Bulgarie. Vous aurez besoin de moyens de transport pour y aller. Combien êtes-vous venu ici déjà? On a pris un bateau, puis la ligne 16 du bus. Très bien. Bah dans ce cas, je vous prends ma Mazda RX-7. J'avais gagné une street racing il y a quelques temps. Vous savez conduire, n'est-ce pas? Évidemment, depuis que j'ai 6 ans. Tant mieux dans ce cas. Ah, et je vous offre ces cadeaux qui vous aideront sûrement dans votre quête. À toi le requin, je t'offre cette raquette de prince du tennis en personne. À toi la nunu, je t'offre un splendide désuris, j'espère que tu connais les dangers de cet objet. Et toi jeune Powa, car oui j'ai deviné qui tu étais, je t'offre Demo, le petit démon du monde maléfique. Il suffit de l'appeler pour qu'il vienne, mais en général il apparaît quand il veut. Ah, il a le pouvoir de passe-muraille. Ça peut toujours servir. Vous avez dit qu'on aurait un animal de compagnie. Salut les amis, moi c'est Demota. Oh, les jolies filles! Ah, cette chauve-souris me saute dessus! Ça suffit, stupide démon. C'est moi qui t'ai invoqué, alors c'est moi le boss. Bon, comment on fait disparaître ce truc? En fait, il disparaît quand il en a envie. Allez, à bientôt les enfants et passez le bonjour à Reed de ma part. Tout le monde dans la caisse, je mets le GPS en route et on y va. Rien à voir avec Snap, rassure-moi. Yahoo! Je me suis enfin débarrassé de ce démon lubrique. Thank you. Le dé du risque est un dé à 20 faces. 19 d'entre elles portent le sigle Bonne Fortune, une seule face porte le sigle Mauvaise Fortune. Formulez un vœu, et s'il tombe sur Bonne Fortune, il s'exaucera. Par contre, s'il tombe sur Mauvaise Fortune, vous aurez autant de malheur que vous avez eu de chance jusqu'alors. Fabriqué par Kaiba Corp, marque déposée. Ça fait flipper ton truc, moi j'y touche pas. Eh ben, c'est ambiance Dark Emo ici, hein. Nous voilà arrivés à Berserk, un château de briques rouges encastré dans la roche. Il a l'air vraiment impénétrable. Pourtant, nous passons la première porte de type gothique taillée à la main si facilement que ça paraît déconcertant. Te réjouis pas trop vite, Juan. Un inconnu nous barre la route. Qui êtes-vous, étranger ? Tu ne te rappelles pas de moi ? T'as battu mon frère, t'as poignardé mon grand-père, t'as pendu mon fils, décapité mon chien, bouffé mon cheval et baisé ma sœur. Tu ne te rappelles pas de moi ? C'est quoi ce bordel ? Non, je déconne. On est des otakus de l'école Jobar. On vient voir Destinova. Bien sûr, je vais vous y emmener. Aussi vrai que mon nom est Wingman Lukum. Sérieux ? C'est vous le vrai Lukum ? Mais c'est qui ? Aucune idée. Mais si, voyons ! D'après le Weekly Shonen Jump, c'est le speed jumper le plus prometteur du monde ! Et qu'est-ce qu'il est beau ! Dites-moi, comment fonctionne votre école ? C'est en fonction de la popularité ou de l'argent. Si tu as assez d'argent et plein de goodies, ou si tu es aussi beau et doué que moi, tu vas dans la maison Dreamland. En dessous, il y a les Gants, et les rebuts vont dans la maison des Kimengumi. Mais rien n'est acquis. Monsieur Nova tient à ce que le prestige soit respecté. Venez, il est d'ailleurs dans son laboratoire. Ah, je vous attendais. La vieille Kotaime m'a parlé de votre visite. Vous avez fait vite. Je sais ce que vous allez me demander, mais je suis désolé, je me suis fait folie de Death Note il y a à peine une semaine. Je me demande d'ailleurs comment Dembanawa en a pris connaissance. Alors tout ce que je sais, c'est que le ministère de la Japatitude a recherché activement le voleur. Ils l'ont peut-être déjà attrapé, qui sait. De toute manière, ce bouquin m'amusait plus. Après avoir tué quelques incapables, on se lasse. Et les élèves commencent même à étudier. Quoi qu'il en soit, allez à Londres et vous trouverez le ministère en passant par les égouts de Victoria Street. Encore une escale parfaitement inutile qui nous fait perdre un temps fou. De toute façon, il n'y a que des mecs ici, alors aucun intérêt. On reprend la caisse, Elliot, et on se casse à Londres. Même pas fatigué. Les amis, nous voici sur Victoria Street. Je suppose qu'on se la joue Tortue Ninja. Kuwabunga ! D'après les indications, il y aurait quelque part un mot de passe à donner pour entrer. À mon avis, c'est là. Il y a une porte avec un panneau lumineux. Parlez, amis, et entrez. Se pourrait-il qu'il s'agisse du mot de Dumbanawa ? Dans cette affaire, il n'y a qu'une seule vérité. Il se passe rien. Attends, je tente un truc. Achipawa ! Toujours rien. Ah, j'ai une idée. Demo, ramène tes fesses. Oh, maître, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Traverse la porte et ouvre-nous de l'intérieur. Et grouille Oui, maître Pawa, mais seulement si je peux jouer avec Miss June. Tout ce que tu veux, mais dépêche. Achi ! Il m'agresse encore ! On avance. Ah, y a pas un chat, là. Ah, forcément, il est déjà 20h à New York. Bizarre cet endroit, y a des affiches de manga partout, des tapis de DDR au sol, et des tas d'écrans plats qui donnent l'impression qu'on est dans un endroit hyper important et technologique. D'après Destinova, il faut aller au département des monsters, c'est à droite. Pas un pas de plus ou je vous tue. Achi, c'est le père de Dracho, Vicious Malfait. Il travaille avec mon père au ministère. Ton père de ce ministère ? Mais alors on aurait pu directement voir avec lui. Toute cette mascarade n'était en fait qu'un vaste et immense piège pour te tuer, Pawa. J'ai volé le Death Note à ce taré de Destinova dans l'unique but de t'attirer ici. Je savais que tu allais forcément passer par ici. Ben pourquoi ? Parce que les scénaristes en ont voulu ainsi. Dans ce cas, vous savez aussi qu'il vous est impossible de gagner vu que vous êtes un méchant. Le destin va changer. Est-ce que vous saviez que le Death Note peut aussi faire aux gens des choses contre leur gré ? Voici mon pantin le plus réussi, le ministre de la Japatitude en personne. Oh mon dieu, c'est horrible ! Il s'approche vers moi ! Mais t'inquiète pas, Miton, je vais te sauver. Cyclone Smash ! Oh mon dieu, tu as décoché la tête du ministre ! Qu'est-ce qui t'a pris, Juan ? T'es taré ou quoi ? Oh, toi, ferme-la, Chi. Que ? Hein ? Mais comment tu me parles ? Saleté de rouquin ! Comment vais-je gouverner le monde maintenant ? Tiens, One Hal de Tid meurt d'un souffle au cœur. Ça t'apprendra. Ouais, vous avez raison. Il avait pas le droit de se rebeller comme ça contre le héros. Achi ! Où on est mort ? Ouais, bon, j'ai vu, et alors ? Pense plutôt à un plan pour vaincre Malphée. Et s'il te plaît, autre chose qu'un Kamehameha, un Rasengan Shuriken bidule chouette, ou toute autre technique ultime qui nous est impossible de réaliser car nous ne sommes pas des persos de manga. J'ai une idée! Je formule le souhait au dé du risque. Je veux que Malphée lance le dé sur mauvaise fortune. Hop, je lance le dé. Voilà. Oui, je suis tombée sur bonne fortune. Bien joué. Maintenant, lance-le à Malphée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rien n'affiche de ce dé. Je vais tous vous emprisonner et oui, ensuite je vous... Oui, c'est tombé sur mauvaise fortune. Observons ce qu'il se passe. Hein? Oh! Hop, c'est lui qui va en prison. Dire qu'il aurait pu nous tuer au moment où il a vu nos visages. Non, il a fallu qu'il fasse son malin. Maintenant, il faut détruire le cahier. Une suggestion? Ah, je sais. Où il est encore passé celui-là? Démo! Oui, maître? Ce truc vient du monde des démons, n'est-ce pas? Tu peux le détruire? C'est possible, Master Power. Et je le prends et zoom! Et voilà! Ça sera plus un problème. Cool! On va pouvoir rentrer chez nous maintenant. Et la dépouille de Wan, qu'est-ce qu'on en fait? Ne vous inquiétez pas, jeune pourra. Je vais vous donner ma vie en échange de celle de l'un d'eux. Qui choisissez-vous? Le ministre ou votre ami? Wan. J'aime pas trop la politique. Très bien. Au revoir, chers enfants. T'as vu, Hachi? Je t'avais dit que ça serait sans conséquence. Rentrons chez nous maintenant! Démo! Comme tu me sers pas à grand chose et que tu risques de t'en prendre à toutes les nanas de l'école, tu vas aller bosser en cuisine. Si et seulement si je t'appelle, tu rappliques aussitôt, pigé? J'ai compris, maître Pawa. Professeur? Professeur Dumbanawa? Oui, Hachi! Nous avons réussi! Nous avons détruit le Death Note! Le Death Note? Mais c'est pas du tout ça que je vous avais demandé. Je pensais que vous auriez compris l'allusion, Miss John. Le dernier tome de Détective Conan vient de sortir. Il fallait juste aller à la librairie en ville pour me l'acheter. Hein? Bah si vous voulez, professeur, je peux vous donner le mien. Je viens tout juste de finir de le lire. Extra aride. Du coup, c'est à vous que je refile la récompense. Une journée tout frais payée à Tokyo.